going to play the cut right now, and it's going to be a very, very big hit. 5 ans de musique électronique, ça se fête sur les ondes galactiques en 95-30. Un aspect un peu plus psychédélique tout de suite pour les titres qui suivent, en commençant par Air Sexy Boy.

Sur les années 90 sur Galaxy 95-30 à l'occasion du 25e anniversaire qui va se poursuivre de façon exceptionnelle durant toute la semaine et notamment ce soir. Vous en savez déjà beaucoup, mais on vous en rappellera encore les grandes lignes. 1991, Total Groove. Yeah. ascending to outer space. Find another breeze. I'm gone ascending to outer space. Find another breeze. I'm gone ascending to outer space. Find another breeze. I'm gone ascending to outer space. Find another breeze. I'm gone ascending to outer space. Encore de musique électronique sur les ondes de Galaxy en 95-30, toute la semaine jusqu'à dimanche soir. Déluge de musique exceptionnelle. Zero Gravity tout de suite. old school. Back to the old school. Back to the old school. Take on me. Is it like my dildo? Is it like my dildo? Not quite. Attention, ça va être très fort. Galaxy fête ses 25 ans et Guillaume est en forme. Thank you. Avec l'instant Sven Vatt, et oui, An Accident in Paradise, c'était sur la belle IQ Records. Elle te prend la tête, elle te prend le corps, Galaxy. Encore. Ah, des jingles comme ça, ça fait du bien, hein, de temps en temps. On les a ressortis, hein, un petit peu poussiéreux forcément, hein, comme pas mal de choses ici, mais on a quand même bien sûr pas mal de choses à vous faire découvrir ce soir, ou à redécouvrir pour ceux qui n'auraient pas connu Galaxy dans l'époque 1993-94. Même avant, on ira très très loin. Toute l'équipe de Galaxy sera là présente ce soir jusqu'à minuit, avec bien sûr un gros programme, forcément des bêtisiers, un maximum de bonne musique. Il y aura aussi plein de cadeaux qui se sont déferlés sur la fréquence 95-30 depuis ce matin. Et puis bien sûr, des bêtisiers, il y aura aussi un spécial Boris tout au long de cette semaine, notamment à partir de 20h, avec pas mal d'extraits de ses anciennes émissions. On aura aussi certainement Philippe Dont au téléphone tout à l'heure. Et puis bien sûr, il y aura pas mal de disques jockeys qui viendront nous rendre une petite visite, histoire de vous rafraîchir les idées avec de bons sets rétro. Ça, c'est tout au long de cette semaine et tout au long de cette soirée. Tout à l'heure, il y aura d'ailleurs Jérémy Hubert, peut-être aussi Olivier Curtis, toute la team de Galaxy pour fêter les 25 ans de 95.3. Si vous avez aussi envie de venir chercher des petits flyers à l'effigie de Galaxy, c'est un collector, hein, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez connaître les titres, 03 20 83 57 57, comme d'habitude. Le numéro du répondeur également, le 08 70 245 603. Et tout de suite, voici Technocat avec Tom Wilson, véritable tube interplanétaire. got the music. You've got the style. This is Galaxy. Avec un instant Trends Express, Turn Up The Power. Souvenez-vous, c'était il y a très très longtemps sur le label Free Little Boy, sorti en 1994. Souvenez-vous, Philippe Donte, vous le connaissez bien sûr, alias Boris également. Il avait fait partie de Galaxy pendant très très très longtemps, hein. Ça fait partie peut-être même des fondateurs. En tout cas, il nous a offert pas mal de best-of justement tout au long de cette semaine. Donc voici le premier. C'est donc dans le poste. Je suis un trou du cul. Super Galaxy, super génial. Ça va, t'as bien aimé? Bah c'est terminé. Attention, le disque est paru maintenant, hein. Tu peux le trouver, hein. Dans le commerce, ils l'ont livré ce matin. Je te le dis, nous ils viennent de nous livrer avec une pochette et tout. Rose burette. Rose burette et jaune canari mort. Voilà. Les photos ruées dessus maintenant comme un vieux cochon d'un affamé sur ce disque là chez les disquaires. Ça va, on va tout péter. Alors mamie, on n'est pas sur nostalgie, hein. Allez, et pour le premier jeu de ce soir, on vous offre tout de suite des entrées gratuites au 03 20 83 57 57. On vous demande de faire péter le standard de Galaxy. On vous offre des passeports gratuits pour le week-end prochain. Forcément, on va pas perdre nos bonnes habitudes. Hein. Des entrées pour l'Escape Concept avec la soirée Criminals, avec Alex Tiles. Il y a aussi Huggy, Kevin, Dave et Luc. Des entrées également pour la Jezo, soirée spéciale CD Release Party numéro 2 avec Paul Nasca en invité, du label Bepitch et du label Boxer Records. Sans oublier les résidents Chris, Johan et Simaï. Le Colosso, toujours avec tous les résidents, Marco Remus en invité, s'il vous plaît, aux côtés de Manu Kenton, qui sera d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission Deep Line avec Dan. Et il y a aussi Max Walder, DJ MD pour le Colosso. Et puis des entrées pour le Pulse Factory, Laurent Top, Sipi, Michael Forza et Andrew, ainsi que Georges. 03 20 83 57 57. On récompense les 10 plus rapides pour le week-end prochain. Galaxy, get up and dance. Galaxy avec un instant Speedy G. Eh oui, c'était les gros cartons, ça. Hein. Le répondeur Galaxy, tu t'en souviens? Écoute. Écoute. Galaxy, ça prend la tête, ça prend la tête. Galaxy, c'est plus fort que le karaté. C'est 25 ans, Galaxy, le sens du répondeur. Bonjour la planète, réveillez-vous, déchaînez-vous, tous les jours, c'est la fête. Elle est de Bourdin. Galaxy, oui, je cartonne. The Witch Doctor. Si tu veux délire avec le répondeur, qu'est-ce que t'attends? Appelle maintenant 08-70-245-603. 08-70-245-603. Galaxy, joyeux anniversaire. Happy birthday. Le répondeur Galaxy, bien sûr, 08 70 245 603. N'oubliez pas ce numéro de téléphone. Vous vous lâchez directement sur ce répondeur Galaxy. On diffusera d'ailleurs les premiers messages à partir de ce soir, à partir de 20h justement, avec Jérémy qui sera présent aux côtés de Hubert. Ah oui, toute la team Galaxy présente, avec notamment Alex Kaya qui est avec nous. Hey! Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Alex Kaya, vous connaissez, à O-Station, tous les vendredis soirs à partir de 23h jusqu'à 1h du matin, pour une session exceptionnelle. En plus, avec nous ce soir, tu nous fais un petit mix d'ici une petite demi-heure. Ouais. Allez, un petit quart d'heure de mix rétro. Il nous a ramené tous ces trucs qu'il a chopé dans les braderies. Il y en a pas mal, hein, quand même. Hein? Ouais. Il est chaud. Sinon, souvenez-vous, ce titre-là, c'était un extrait de Galaxy Vinyl avec Backstage, qui n'existe plus. C'était un disquaire qui était situé du côté de Roubaix, si j'ai bonne mémoire, avec plein d'autres titres d'ailleurs. La prochaine est quelque part par là, mais en tout cas ça va vous ramener très très loin en arrière, 1993, souvenez-vous, c'était on a même plus le titre. Attends, la pochette, elle est où? La pochette, elle est là. Ouais, parce que ça déchire après, attention hein. C'était bien sûr The Sky, Thunder and Rain. Et devinez qui avait fait ça? Frédéric de Bakker et Tony de Galaxy. Aïe, c'était chaud comme la braise à cette époque-là. Galaxy 95.3. Yeah. Galaxy, Galaxy. Découvrez tous les tubes avant les autres. Galaxy. We'll be right back. Party à l'instant sur Galaxy avec Club to Death. Aïe aïe aïe, beaucoup d'appels pour ce titre là. Si vous voulez le chercher en CD, il n'y a pas de problème. C'est sur Matrix, le premier volume, avec tous les autres titres qui étaient dessus. On aura certainement l'occasion d'écouter Prodigy. Il y a aussi Ministry, Propel Earth, bref, pas mal de hard rock aussi dessus. Mais on s'en fout, on est sur Galaxy, on fout le bordel. Et c'est comme ça toute la semaine pour les 25 ans de Galaxy. Galaxy, get up and dance. encore une fois, hein, décidément, on va dire que souvenir hein, dans toute cette semaine avec Nikolai, Ready to Flow. Et juste avant, c'était Virus 666 avec le Don't Stop the Movie, extrait du Boccaccio, le sampler numéro 2. Galaxy to the Paradise. To the Paradise, bien sûr, avec de superbes morceaux tout au long de cette semaine. On vous rappelle le programme de votre soirée avec, à partir de 20h, l'émission Starter. Grosse surprise en perspective, on ne vous dit pas encore ce que c'est. Pas mal de gens, sans doute, un petit peu. Mais on va garder le secret jusqu'au bout, même s'il était dévoilé par mégarde aujourd'hui. Ah là là là là. Sinon, à 20h, donc, il y aura Jérémy, Hubert, toute la team de Galaxy. Alex, qu'il y a déjà dans les studios de la radio, qui s'échauffe les petits doigts pour faire un petit set exclusif, bien sûr, tout à l'heure, à partir de 18h. C'est-à-dire d'ici, petite minute. Et puis, votre soirée continue à partir de 21h avec Dan et Manu. Souvenez-vous, c'était ça aussi. Manu et Dan au travers de la Deep Line. La Deep Line, eh oui, l'émission qui avait fait très très fort à l'époque dans les années 94 jusque 95-96. Nous aurons ces deux Gugus qui seront présents ce soir, Manu et Dan, pour l'émission Deep Line. Un mix exclusif en direct et puis par la suite, une fois que ce sera terminé et qu'ils auront emballé leur disque, eh bien nous on continuera ensemble jusqu'à minuit pour vous proposer pas mal d'autres choses et bêtisiers et plein de surprises. Ça c'est pour vous tout au long de cette semaine. Microbots, un instant sur Galaxy Souvenir de 1992, ce label Overdrive Records.